trouver sur le net. Et là, quelques petits mots quand même pour introduire cette petite capsule sonore qui fait bien 10 minutes. Ce monsieur s'appelle Jean-Marc Le Bihan. Il se trouve à Aurillac et c'est un chanteur de rue. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est qui ces gens? Quoi ils parlent? La sécurité, justement, c'est eux. La sécurité, c'est l'injustice sociale. C'est des gens qui regardent des vitrines pleines et qui n'arrivent pas à bouffer. Et qui, au bout d'un moment, vont se servir. C'est des gens qui t'insultent tous les matins en te disant, regarde-moi ce que j'ai. Et toi, t'as rien. C'est de ta faute. Parce que t'étais pas capable. Et les incapables, je connais, je sais d'où ils viennent. Descendez sur la Côte d'Azur dans les grands hôtels. Vous verrez comment ils se comportent avec les femmes de ménage. Vous verrez aussi comment ils sont pas capables de nettoyer leur chambre. Et comment ils sont au con. Et comment, au bout du compte, au fond d'eux-mêmes, il n'y a que l'argent qui les guide. Ils croyaient être quelqu'un, comme les abrutis du Paris Saint-Germain qui disaient les Arabes dehors, qui gueulaient des cris de singes quand il y avait des Noirs qui jouaient sur la pelouse. Aujourd'hui, c'est le Qatar qui les a rachetés, ils ont vite plié leur banderole. Ils sont rentrés un par un, comme ça, tranquillement, en se disant, pourtant les Qatariens sont quand même à quelque part, aussi les Arabes, me semble-t-il. Alors on me dit, oui mais non, tu comprends, c'est pas pareil. C'est une principauté de merde. Le Qatar n'est pas un pays démocratique. D'ailleurs, cela, on vient te bourrer la tête en te disant, mais t'as vu, ce sont des paradis fiscaux à leur manière. Parce qu'ils exploitent du pétrole, il n'y en a pas pour longtemps. Alors ils achètent. Et là-bas, les femmes et les opposants sont mis en prison, comme chez nous aussi. D'ailleurs, cela, faut-il se taire? Aujourd'hui, on parle plus de Maghrébins, on parle plus d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains. On te parle de musulmans, comme si on voulait une guerre, comme on dit, de civilisation, de religion. Faut dire, regardez les musulmans. Moi, les musulmans m'ont rien fait. Et les mecs qui sont capables de prier par terre en quittant leurs chaussures et qui prient là où ils sont et qui s'agenouillent par terre à ras du sol me plaisent autant et beaucoup plus que ces chrétiens qui arrivent avec des prie-dieux qu'ils ont loués parce qu'ils ont de l'argent pour mettre leurs jolis genoux et prier un mec qui a donné sa vie en disant aimez-vous les uns les autres, qui a jamais voulu des papas mobiles ni la banque du Vatican, qui a jamais réclamé tout ça, qui a jamais demandé tout ça, qui a simplement marché pieds nus en se disant bon Dieu, humanité, essayez de réfléchir, tué par les pharisiens, tué par son propre peuple, assassiné, comme on dirait aujourd'hui, fusillé sur place, on appelle ça finalement mettre en croix à l'époque. Et d'ailleurs, ceux-là, les mecs, ils vont en pèlerinage. Regardez, en pèlerinage. Même à Lourdes, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu une inondation, ils l'ont pas vu venir. Pour dire où est le miracle? Dieu est à droite. Dieu est à droite, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, c'est quand les mecs, ils ont rien. Un petit pays où les mecs ont rien. Ils ont des petits bidonvilles, ils sont là, avec leur petite maison, comme ça, qu'ils ont faite, dans des bidons. C'est là qu'on fait trembler la terre. Si demain la terre elle tremble à Monaco, j'irai, tiens, peut-être que Dieu est devenu socialiste. D'un côté comme de l'autre, et il me casse les couilles, qui parle pas de Jean Jaurès, tous les autres là, qui s'affirment et qui se taisent. Ils ont ni son courage, ni rien. Alors qu'ils se taisent, qu'ils parlent de pourquoi ils font de la politique. Et quand tu rentres en politique, la première chose qu'on te dit, si tu veux monter dans l'appareil politique, il faut que tu sois un tueur, il faut que tu tues l'autre et que tu marches dessus. C'est comme ça qu'ils parlent les politiciens. Avant d'arriver en haut, qu'on donne le salaire des infirmières et des enseignants à tous nos ministres, députés, sénateurs et j'en passe, à tous ces mecs qui sont des pique-assiettes de la société. C'est pas le RSA le pique-assiette de la société, c'est ces gens-là qui montent à l'intérieur de l'argent tel qu'ils font, qui serrent les mains là où ils font, juste pour leur porte-monnaie. C'est pas qu'on a le dégoût des politiques ou de la politique, parce qu'on n'a pas le dégoût de la politique, puisque ça veut dire organisation de la cité, que nous sommes concernés par l'organisation de notre cité, comment nous allons vivre ensemble, qu'on est 6 milliards d'gens sur la terre, que nous sommes citoyens de l'univers, qu'on pourrait voyager sans papier, sans passeport, parce que chaque être a le droit de se déplacer sur la terre quand on est un être humain, parce que ça prend du temps et que c'est important. Tout ne se fait pas en préfecture. Et tous ces gens qui sont venus travailler ici, ils ont travaillé parce qu'on les a appelés, parce que ça fait la richesse à Bouygues, j'en passe. Aujourd'hui, ils ont fait des gosses. Alors c'est les gosses qu'on accuse, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver dans cet immense bordel. En périphérie, la drogue, pourquoi elle fonctionne? Parce que tous les mecs du Vésinet ou d'ailleurs, la petite bourgeoisie latente, s'envoient en fumette comme ça. Et puis on retrouve ça dans des grands cocktails de riches. Et on va se servir en banlieue, à Marseille ou ailleurs. On n'arrête pas le vrai, celui qui a l'argent, celui qui possède, celui qui tue, celui qui fait disparaître, celui qui fait tuer comme il veut, quand il veut. On prend des gamins de 12 ans pour faire les guetteurs, parce que le gamin gagne 100 euros par jour et que ça nourrit toute la famille. On va quand même comprendre quelque chose, qu'on vit dans un monde d'argent et que les gamins ils regardent les vitrines pleines et qu'ils pourront jamais s'acheter ça. Alors ils sont capables de déborder à tous les niveaux parce qu'ils se disent pourquoi pas moi. Il faudrait leur dire à quelque part que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Mais comment veut-il que je te dise? Comment veux-tu que j'explique? À 60 ans, viens plus m'emmerder maintenant. À 20 ans, on me disait, tu verras quand t'auras 60 ans, j'en ai 60. Maintenant, on me dit, tu verras quand tu auras 80 ans. Quand j'en aurai 100, on me dira, tu verras quand tu en auras 110. Je monterai sur un tonneau pour leur dire merde, comme j'ai envie de leur dire merde. Comme j'aurais passé ma vie à leur dire merde, pour pas suivre leur chemin, parce que je les emmerde. N'oubliez jamais que ceux qui ont des matraques comme ça, et ceux qu'on appelle CRS, sont jamais que des fils de prolétaires qui n'avaient plus de boulot. Et c'est la seule chose qu'ils ont trouvé. Alors on leur vide la tête, jusqu'à quand ils se retrouvent dans une manifestation à charger leur propre père. Parce qu'il n'y a pas le choix au nom de la nation, de l'État et de tout ce qu'on pourra dire. Quand tu regardes tout cela, tu te dis au fond de toi-même, bravo ! Se fait-il ? Alors c'est vrai que derrière cela, nous sommes juste un peuple, et que les peuples se ressemblent, et que ça prendra du temps et du temps. Ne brûle pas trop ton argent, même, c'est peut-être bien de le brûler, mais si on en a besoin, c'est bien de l'avoir. Parce qu'on va pas jouer les Gainsbourg non plus, surtout pas en pleine rue. Mais derrière cela, je me dis au fond de moi-même, pourquoi ? Pourquoi on en est là ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait brûler nos papiers, nos passeports, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait faire autrement ou autre chose. Mais derrière cela, fais gaffe, parce qu'après, si on le prend pour un là, ça va chier pour moi. Mais je me dis au fond de moi-même, nous sommes quand même une vérité. Moi, je suis un homme seul, mais je vais au bout de ma solitude, dans le sens que j'ai besoin de vous, dans le sens que l'humanité, c'est nous. Et qu'on doit construire ce monde incroyable. Un bébé, quand il naît, c'est juste un bébé. Et ce bébé, il est ni raciste, ni rien. Il est là, il est bébé. Et puis tu vois le père qui lui dit, hein, quand il sera grand, tu voteras Front National. Hein, quand il sera grand, tu voteras Front National. Et le bébé, qu'est-ce qu'il fait ? Ici. Voilà, c'est tout. Parce qu'il a juste envie de se... Voilà. Alors, mais justement, c'est là le grand problème. C'est les questions à se poser. Pourquoi on vote pour eux ? Et pourquoi ils ne tiennent pas leurs promesses ? Mais nous, qu'est-ce qu'on veut vraiment construire en ce monde ? De quoi a-t-on vraiment besoin ? Est-ce qu'on réclame que de l'argent ? Plus d'argent ? Je suis d'accord, quand je vois les petits salaires. Cela, il faut les augmenter. Il faut que les gens puissent aller mieux dans leur vie. Si ça aide à ça l'argent, je suis d'accord, c'est juste un échange. C'est pas normal qu'un mec qui travaille toute la journée se retrouve avec tout juste 1 200 € par mois, hein, et que les autres viennent taper dans un ballon à 500 000. Et qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est celui qui a 1 200 € par mois qui paye ses entrées, je sais pas combien, au PSG. Et si tu dis du mal de leur footballeur, il te casserait la gueule. En disant, t'as pas le droit de toucher à celui-là. Attention, faut voir. C'est un long chemin, messieurs, dames. Long chemin de solitude. Le courage, ça n'existe pas. C'est juste un fait comme ça par hasard. Dire ce qu'on a envie de dire, ce n'est pas une preuve de courage. C'est simplement parce que c'est nécessaire. Parce que ça fait partie de la survie. Et puis quand t'apprends à ne plus avoir peur de la mort, tu t'aperçois que c'est pas la mort qui est grave. C'est la vie qu'on a ratée. C'est tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on n'a pas pu dire, tout ce qu'on n'a pas construit. Je préfère, au bout du compte, qu'on se rappelle de moi dans ma voix, dans mes chansons. Et mes petits-enfants, ce que je leur apprends, c'est que leur grand-père, eh ben, il avait des choses à leur raconter quand il revenait, même d'Aurillac. Il leur disait tout ce qu'il avait à leur dire. Et qu'ils entendent bien ma voix et qu'ils s'en rappellent. Et qu'ils disent un jour, ah, si t'avais vu mon grand-père, ça me touche. Beaucoup plus de savoir quel meuble j'ai. Tu vois la manière qu'on pille les meubles des vieux, comment on vide les appartements quand ils sont morts, comment on revend tout ça juste pour la thune, comment on vide les appartements, les petites maisons, les petits trucs, parce que ça fait de la thune. Et puis après, tu vois, le seul mec, y a plus rien. Et quand t'as grandi dans une maison d'enfance et que tu te rappelles la maison où t'as grandi, des fois t'as pas envie de la vendre. J'ai un ami, moi, qui habite sur l'île Dorée. C'est un type fabuleux. Il a hérité de la maison de pêcheur, de son arrière-grand-père et de son arrière-grand-mère. Et ça allait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il est imposant sur les grandes fortunes à cause de tous ces connards qui sont installés là-bas et qu'on fait flamber les prix. Et lui, il ne reste plus qu'un seul choix, c'est de vendre sa baraque. Sinon, on va lui la saisir parce qu'il ne peut pas payer les impôts locaux et les autres impôts. C'est quand même incroyable la manière qu'on a de virer les gens juste par l'argent. Alors c'est pour cela que c'est un très long chemin. Et puis finalement, au bout du compte, je n'ai jamais renié ni mes 14 ans, ni même mes 5 ans, ni même mes 60. Je me pose la question sur mes rêves de gosse. Et ces rêves de gosse, je ne les trahirai jamais. Parce que quand je prenais mes amis par le cou, et qu'on était en train de courir comme ça dans le peu de nature parfois qu'on avait, et qu'on se disait qu'on était les meilleurs amis du monde, c'est là que j'ai rêvé le plus dans ma vie. C'est là que j'ai eu le plus d'émotions. C'est là que j'ai été le plus fidèle avec moi-même, en me rappelant tout ce qui était possible et inimaginable. C'est pas dur d'être chanteur, c'est simplement un fait, comme on est boulanger ou comme on est charpentier. Je sais très bien qu'on a besoin plus de charpentiers que de gens qui viennent chanter dans la rue. Mais n'empêche qu'on fait partie de l'ensemble, et n'empêche que cet ensemble existe ensemble. Messieurs, dames, vous avez tout dans les mains. Messieurs, dames, vous pouvez tout partager. Le travail, et j'en passe. Travaillez moins, faire gaffe à vos gosses. Essayez de comprendre pourquoi il y a 6 milliards de gens sur la Terre. Dis non au patronat d'un seul coup. Je rêve qu'on dise d'un seul coup que tous les gens se lèvent, que tous les syndicats du monde, mais ils n'en sont pas capables, se lèvent en même temps, en disant nous allons faire une grève internationale. et nous allons tous arrêter de travailler au même moment, dans le monde entier. On verra des gamins de 6 ans qui sont en train de coudre des pompes que nos enfants achètent dans les supermarchés de leurs 6 ans. Pourquoi ? Pour même pas 10 euros par mois, pour essayer de nourrir la famille, parce que ce sont des familles nombreuses. Parce que quand je vois que des mecs, ils vont chercher dans certains pays des yeux, des organes, pour des graisses d'organes pour leurs gamins. Moi je dis que celui qui les vend est un salaud, mais celui qui les accepte en sachant pertinemment d'où ça vient, est un salaud aussi. C'est pour ça que dans certains pays, tu croises des fois des petites filles, des petits garçons, à qui il manque un œil. C'est le plus âgé de la famille qui a donné son œil ou son foie ou tout ce que tu voudras, juste pour que la famille puisse survivre. Ils savent très bien comment ils font, ces vendeurs d'organes, comme ces vendeurs d'armes. Je préfère mourir seul, et tranquille, et paisible, en me disant que je voulais pas de ça, que je ne suis pas né dans le monde que j'aimais. Et qu'à travers tout cela, il fallait que je me batte dans un monde que je n'aimais pas, pour essayer de faire comprendre aux gens et de comprendre moi-même pourquoi la vie, c'est simple, que c'est rapide, et que ça ne dure pas longtemps, et que c'est l'acte le plus beau. Quand on dit à un enfant, regarde comment il est mignon, regarde, il vient de naître, on lui donne la vie, et puis après, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit maintenant, eh ben, tu vas la gagner, ta vie, il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur. C'est pour cela aussi au niveau purement social que je suis pour le salaire des étudiants, pour que les mecs puissent étudier et qu'ils choisissent le métier qu'ils aiment, ce qu'ils ont dans les tripes, ce qui leur fait plaisir vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Et quand ils ressortiront, médecin ou qui tu voudras, eh bien ils ressortiront avec ce qu'ils aiment et qu'on les aide. Et quand ils seront ceux-là, ils nous le rendront. Et comme ils nous le rendront tous ensemble, c'est pour cela qu'il ne faut pas les laisser tout seuls courir sur des pelouses quand ils ont des seringues. Il faut que ce soit les parents qui aillent les chercher, pas les éducateurs, et qui prennent leur enfant dans leurs bras, en disant qu'est-ce qui se passe, dis-moi ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas comme ça, faites attention à vous jeunesse, ils feront tout pour vous assassiner comme on a assassiné les Indiens en leur balançant l'alcool, en les empêchant de vivre et en tuant leur plus beau rêve qui était un rêve de partage. Ils savaient ce qu'était la terre, ils faisaient attention à chaque goutte d'eau, à chaque chose qu'ils consommaient parce qu'ils savaient qu'ils en avaient besoin juste après et que les générations après en auraient encore besoin. Ça s'appelle la vie, messieurs dames, et c'est un acte merveilleux et c'est nos parents qui nous la donnent. Et à travers tout cela, quand ils nous l'ont donné, alors on doit quelque chose à nos gosses. Mais on doit pas leur apprendre la parodie du monde. On doit leur dire, tu sais, maintenant on va se battre ensemble pour essayer de faire que les choses changent un tout petit peu. Je suis peut-être un utopiste, mais parfois je suis fier de l'être. Quand je vois ceux qui ne le sont pas, les réalistes, soi-disant réalistes, alors qu'ils ne le sont pas du tout, m'emmerde. Les économistes aussi avec leur 0,02% parce que la bourse s'est effondrée. Et bien que la bourse s'effondre complètement. Et que finalement, au bout du compte, on en finisse avec cet acte barbare qui s'appelle tuer les gens au niveau d'un stress. Chez nous, on les tue pas comme ça avec des fusils. On les tue au niveau du stress. On les empêche de vivre. Et puis tu sais, quand tu vas beaucoup plus loin, quand tu voyages dans le monde entier, même en ce moment, si dans les pays des Maghrebs, ça pète, tu verras comment tu es reçu par les gens. Et tu verras qu'à chaque fois, la seule question, c'est où c'est que tu as mangé et où c'est que tu dors. Et pourtant, ces gens-là n'ont pas grand-chose. Ça fait très très longtemps que je n'entends plus ça dans le pays où je suis né et où j'habite. C'est pour ça que je leur dis souvent, surtout, ne nous ressemblez pas. Et tous les combats sont leurs combats. Et tous les combats seront les plus merveilleux. Et les femmes du monde se battront dans le monde entier par rapport à leur indépendance à elles, comme elles l'ont choisi, pas par rapport à des mecs qui viennent comme ça à la Chambre des députés pour dire nous allons parler pour les femmes, ou des femmes qui essayent d'être députées en ressemblant tellement connement aux mecs. Il n'y a qu'à regarder la gueule de Morano pour comprendre que finalement, du compte, c'est un mauvais croisement. Je vais vous chanter une chanson parce qu'avant tout, je chante des chansons. Bravo! Voilà, et on n'entendra pas Jean-Marc Le Bihan chanter cette fois-ci, mais vous pouvez toujours faire une recherche sur le net. Alors maintenant, on s'en va en Afrique, au Burkina Faso, raconter un petit peu ce qui s'y passe grâce à Zinaba Rassman, qui nous vient directement d'Afrique, là, qui est venue la semaine dernière à Bruxelles, et qui nous raconte le ballet citoyen. Donc c'est un mouvement de masse qui a réussi à mettre le président Compaoré, un dictateur au pouvoir depuis 27 années, dehors. Voilà. Ça vaut vraiment la peine d'écouter ce qui se joue en Afrique. En tout cas, c'est sûr qu'on va parler du Burkina Faso, mais on va parler aussi du Sénégal. On va parler du Congo. Enfin voilà, pour dire qu'il y a des choses qui se passent et vraiment intéressantes là-bas qui peuvent faire écho ici. Autour de la table, et évidemment ça ne se voit pas, il y a Zinaba Rassmann, il y a François et Élise qui arrivent un petit peu plus tard. Et c'est grâce à François et Élise que cette rencontre a pu se faire. Et donc merci beaucoup à ces personnes. C'est parti. Très bien. Et alors le lien, ben, il se fait, voilà, il y a Zinaba ici que je ne connais pas, mais qui représente le ballet citoyen, il va nous l'expliquer. Et en fait, cette rencontre se fait grâce à François qui est là. François, tu peux raconter, toi, en quelques mots, ben, comment ça s'est passé, cette rencontre du ballet citoyen, parce que toi, je crois que tu y étais. J'y étais pas vraiment, non. En fait, j'ai été dans une caravane des mouvements sociaux en 2011. J'ai accompagné cette caravane jusqu'au forum social de Dakar. Et donc c'est au cours de cette caravane, voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient impliqués, mobilisés sur des questions aussi bien des luttes féministes, l'agriculture, que voilà, des problèmes d'accaparement des terres, enfin voilà, toutes sortes on débattait de toutes sortes de problèmes et on passait de ville en ville avec, il y avait des conférences, des débats, des concerts, etc. Donc le Burkina Faso était très très bien représenté, et notamment avec un petit groupe dont Zinaba faisait partie. Voilà, c'est dans ce cadre-là, je dirais qu'il y a eu des connexions qui se sont faites avec le mouvement Yanamar. Donc le mouvement Yanamar, c'était des jeunes au Sénégal aussi, qui à l'époque se mobilisaient parce qu'il y avait le problème du mandat du président Wade au Sénégal qui arrivait à son terme et je crois qu'il voulait prolonger ce mandat. Donc les jeunes se sont mobilisés, ont formé ce mouvement Yanamar qui était aussi un mouvement mené par des musiciens, des artistes et des rappeurs essentiellement. Donc je pense que les Burkinabés ont connecté avec ce mouvement, et ce qui était assez intéressant après dans ce qu'ils ont développé par la suite. Moi je suis revenu au Burkina Faso en 2014 avec donc 2-3 personnes. Et j'ai fait quelques interviews de membres du ballet citoyen. J'ai malheureusement raté Zinaba, mais Élise qui va nous rejoindre l'a vu. Et donc on s'est intéressé au mouvement. C'était quelques mois après le renversement de Blaise Compaoré, qui est resté 23 ans au pouvoir au Burkina Faso. Voilà, et donc on va donner la parole à Zinaba qui, lui, ben, si j'ai bien compris, ben, de toute façon tu vas te présenter. Moi je propose ça. Et puis qu'on parte, parce que le ballet citoyen, ça dit le ballet citoyen évidemment, mais bon, allez, présentation de toi, et puis j'aimerais aussi qu'on parle de Thomas Ankara, Sankara. du départ, quoi, parce que c'est une belle histoire, et puis c'est une horrible histoire en même temps, hein, parce que j'ai l'impression que c'est aussi le départ du départ, Thomas Sankara. Donc en premier lieu, Zinaba, qui es-tu ? Zinaba Rassmann à l'état civil, militant du ballet citoyen. Et au Burkina, les militants du ballet citoyen sont appelés Sibal pour les hommes et Sibel pour les femmes. Sibal, c'est le diminutif de citoyen balayeur. C'est un mouvement qui est né il y a maintenant 3 ans, le 25 août 2013, et qui est un mouvement fédérateur des énergies des jeunesses du Burkina Faso qui était plus ou moins découragé de la manière dont les luttes se menaient au Burkina et qui avait besoin d'un sang nouveau, de fonder un certain espoir. Et cet espoir-là, nous avons commencé à l'entretenir déjà avec les premières rencontres que nous avons eues. C'est quoi cet hélicoptère ici là ? Oh. Il y a des hélicoptères. On est dans le quartier européen, dit-on. Donc, Allez, donc je disais très rapidement que c'est un peu pour fonder cet espoir-là de démocratie, cet espoir d'alternance politique au Burkina Faso, mais surtout aussi pour réinventer un type nouveau de Burkinabé, sensible à la cause commune, sensible à la cause de la communauté, sensible à la cause qui veut que chaque jeune, chaque citoyen burkinabé s'implique dans les processus de démocratisation et dans le processus d'acquisition de nouvelles libertés et de nouvelles luttes. Naturellement, c'est cet espoir qui nous a conduit vers le balai citoyen. Mais en fait, c'est une longue histoire qui a commencé déjà par des jeunes qui sont soit artistes, comme moi. C'est surtout hein, j'ai l'impression, hein, parce que quand j'ai regardé un peu des images et des choses comme ça, mais c'est surtout beaucoup, enfin, il y a beaucoup de jeunes, quoi. On voit moins les anciens et les plus vieux. En fait, le mouvement, par essence, est un mouvement de jeunesse. Comme le mouvement Yanama au Sénégal, comme les camarades de la Lucha au Congo, comme le mouvement Trop c'est trop au Tchad, et ainsi de suite. C'est vraiment ces jeunes-là qui, découragés un peu de cette forme de la gestion de la chose politique très gérontocratique, ouais, découragés un peu de ces stratégies qui n'existent pas et qui n'ont jamais existé chez les vieux, les soixantenaires, qui avaient un peu perdu un peu la main dans la nouvelle dynamique du contexte politique burkinabé. C'est ces jeunes aussi qui ont utilisé les nouveaux médias, notamment les réseaux sociaux, pour s'exprimer, ce qui n'est pas de l'ordre des anciens, des plus vieux, de 60 ans, de 70 ans, qui ont connu des belles périodes de lutte, mais aujourd'hui qui sont un peu déphasés avec les nouveaux moyens de résistance. Ce sont ces jeunes-là, artistes pour la plupart, journalistes, étudiants comme nous qui étions encore à l'université, j'ai dit journalistes, avocats et vraiment des jeunes de toutes les couches sociales du Burkina Faso. Journalistes, avocats, qu'est-ce que j'ai pas compris quoi. En fait, c'est la composition. En fait, il y a au sein du Balai Citoyen, pour dire, il y a des journalistes. Il y a des artistes musiciens qu'on connaît très bien qui sont Sam Skalodja, Smoké, et qui portent la parole du mouvement. Il y a des avocats, comme Maître Guy Hervekam qui est l'un des porte-paroles du mouvement. Il y a des chômeurs, des jeunes de toutes les classes sociales au Burkina Faso. Il y a surtout des étudiants, pour la plupart. Et nous étions de cette branche estudiantine là. Et donc ce mouvement a été lancé en 2013, mais ce mouvement a commencé déjà à être pensé, réfléchi à partir de 2011. Et il a dit tout à l'heure, la rencontre du François. Forum social. François l'a dit tout François à l'heure. François qui est là. Il a dit tout à l'heure, la rencontre du Forum social de Dakar en 2011 dans les mouvements altermondialistes nous a permis quand même de rencontrer nos camarades du mouvement Yanama. Ensuite, il y a eu des contacts qui ont été développés et les camarades du mouvement Yanama ont mené une lutte au Sénégal déjà pour que le ticket présidentiel du président Abdoulaye Wade ne passe pas. Parce qu'en fait, il faut rappeler, au Sénégal, à l'époque, le président Abdoulaye Wade avait décidé d'introduire dans le processus électoral un ticket présidentiel qui lui permettait de passer le pouvoir à son fils Karim Wade. Chose contre laquelle le peuple sénégalais s'est ligué et a fait un front uni contre Wade. Attends, parce que moi, je suis à Compaoré, là. Il est au pouvoir depuis 27 ans. Donc, si je comprends bien, après Compaoré, il y avait déjà la suite. C'est ça, en fait, quand tu dis... Là, nous sommes en train de parler du cas spécifique du Sénégal en 2012. Je vais revenir au cas du Burkina Faso juste tout à l'heure. Et donc, cette jeunesse du Sénégal, composée d'artistes, de journalistes aussi, qui a une composition plus ou moins similaire à celle du Balai Citoyen, a mené à jouer un rôle important pour que le ticket présidentiel de Wade ne passe pas et que l'alternance soit une réalité au Sénégal. Inspiré de ce combat de cette jeunesse sénégalaise-là, les jeunes du Burkina Faso ont également eu l'occasion de rencontrer une deuxième fois, et du moins à plusieurs reprises après, en 2013, à l'occasion du festival Ciné Droits Libres, qui est un festival de films sur les droits humains à Ouagadougou, qui s'y tient chaque année autour de juin et juillet. À cette occasion, il y a eu une autre rencontre avec les camarades de Yanama, des jeunes que j'ai cités là, pour la mise en place d'un mouvement alternatif citoyen au niveau du Burkina Faso. Et ce mouvement-là, c'était le Balai Citoyen qui a été lancé le 25 août 2013. À l'époque, nous étions ici dans un contexte politique qui faisait que Compaoré, qui avait passé 27 ans au pouvoir, voulait modifier la constitution du Burkina Faso, notamment en son article 37, qui est l'article qui limite à 2 le nombre de mandats, pour se représenter pour un bail de 15 ans. c'est énorme. Hein. Mais moi, je voudrais juste, parce que sinon, c'est vrai qu'on est parti dans l'histoire, mais aussi des fois arrêter le temps comme ça pour dire, mais tiens, quand on vit comme ça, avec un comme Paoré qui met en place une dictature, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ça se passe comment au quotidien, une dictature pour les jeunes, pour les gens, pour le citoyen, justement. 27 ans, c'est énorme. Une dictature, c'est déjà une caporalisation du pouvoir. Donc, aucune possibilité pour les citoyens de s'exprimer réellement. Une dictature, c'est accompagné également d'une malgouvernance et donc, naturellement, de plus en plus, dans le domaine social, les populations qui trouvent difficilement les moyens pour se subvenir à leurs besoins. Une dictature, c'est aussi une OPA d'un certain nombre d'hommes politiques qui ne voient pas un horizon nouveau que celui qu'on a déjà connu. Donc, c'est à la limite une redondance tous les jours, c'est un remake de la vie de tous les jours pendant 27 ans. Et avec la volonté d'espérer quelque chose de nouveau, les jeunes pensaient, en tout cas en intégrant ce mouvement-là qui est le Ballet Citoyen, en participant au processus insurrectionnel, ouvrir des horizons nouveaux d'émancipation, ouvrir des horizons nouveaux d'indépendance, ouvrir des horizons nouveaux d'autonomie, ouvrir des horizons nouveaux qui leur permettent d'aller plus loin. François, si tu as quelque chose à poser comme question, tu peux aussi. Hein. Mais comment ça se fait? Parce que j'imagine que sur 27 ans avec Compaoré, il y a quand même eu des choses qui se sont passées sur ces 27 années, non? Et pendant ces 27 années, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai, il y avait une dictature féroce de Compaoré après le 15 octobre 87, l'assassinat de Thomas Sankara, dont nous allons parler certainement tout à l'heure. Il y a eu aussi des gens qui se sont ligués depuis toujours pour que le projet de dictature de Compaoré ne passe pas. Et parmi lesquels, je citerai volontiers le journaliste Norbert Zongo. On parle à une radio aujourd'hui, il y a lieu quand même de s'intéresser à l'histoire de cet homme-là, qui, plus que tout Burkinabé, a décidé avec sa plume de dénoncer les dérives du pouvoir Compaoré. Avec sa plume, il est à la limite passé comme le porte-parole de cette jeunesse-là, qui aspire au changement. Avec sa plume, il a dénoncé tous les crimes économiques et politiques, les assassinats politiques de l'époque. Mais lui aussi, il a été assassiné le 13 décembre 1998. C'est horrible, hein? C'est dingue, quoi. C'est dingue. C'est dingue, mais c'est une histoire qui appartient à l'histoire générale du peuple burkinabé. Et à la suite de cet assassinat du 13 décembre 1998, naturellement, le peuple burkinabé, comme un seul homme, jusqu'à l'enterrement du journaliste Norbert Zongo, a porté en lui-même les germes de ce que aucun crime ne pourra être, ou du moins ne doit être commis encore par le pouvoir Compaoré. Et c'est là où on a lancé à l'époque, et ça ce sont nos pères, nos grands frères, nos dévanciers dans la lutte, qui ont lancé à l'époque le mouvement « Trop, c'est trop, ça suffit ». Les crimes économiques, les crimes politiques, ça suffit. À l'époque, Blaise Compaoré a dû faire marche arrière pour concéder à ce peuple mobilisé là la volonté pour lui de connaître des lendemains meilleurs à travers l'alternance. Mais c'était un discours officiel qui n'a pas eu de suite. Parce que déjà en 2000, on fait adopter une nouvelle constitution pour passer des mandats de 7 ans à 5 ans. Mais en même temps, à la fin de son mandat en 2005, Blaise Compaoré dit que la loi n'est pas rétroactive. Et donc, la loi ne le concerne pas directement. Ça concerne tous les futurs candidats. Et donc, il peut encore se représenter à la candidature présidentielle. Et en 2005, il fait un bail de 5 ans. En 2010, il fait un deuxième bail de 5 ans qui normalement devait finir en 2015. Mais comme il n'a jamais intégré la possibilité pour lui de quitter le pouvoir, à partir de 2012, il émet les possibilités de remodifier la même constitution en son article 37 pour un bail de 15 ans. Et c'est là où le peuple burkinabé dit « trop c'est trop, il faut arrêter la casse » et les jeunes commencent à se mobiliser autour du Ballet Citoyen et autour de d'autres mouvements citoyens et sociaux d'ailleurs qui vont se mettre en place également jusqu'à ce que nous connaissions l'insurrection populaire. Et l'insurrection populaire, elle a lieu à partir de quand? C'est quand la date? L'insurrection populaire d'ailleurs a lieu les 30 et 31 octobre 2014, mais l'insurrection populaire est préparée par toutes ces jeunesses-là par tous ces hommes politiques de l'opposition qui étaient frontalement contre la modification de l'article 37 pour un climat, en tout cas, apaisé d'alternance. Et donc, les jeunes se mobilisent, les masses populaires se mobilisent pour dire déjà que déjà le Sénat, qui est la deuxième chambre que Blaise Compaoré voulait installer pour avoir la majorité pour modifier l'article à l'Assemblée, ne passe pas. Et le Sénat devait être installé le 25 septembre 2013. Premier échec du pouvoir Compaoré, le Sénat n'arrive pas à être installé. Deuxième option, il décide de passer par référendum. Et vous savez, s'il passe par référendum, naturellement, la corruption et tout ce qui va avec permet de gagner à sa cause les masses populaires qui sont dans les provinces et qui ne sont pas toujours alphabétisées et au parfum des questions politiques et des enjeux stratégiques. Naturellement, à ce niveau-là également, le référendum, nous le refusons. C'est l'hélicoptère qui repasse dans l'autre sens. Voilà. Ah ben ouais, voilà. La troisième option pour Blaise Compaoré, c'était cette fois-ci de maintenir son projet et de le faire adopter cette fois-ci à l'Assemblée nationale en ayant avec lui un certain nombre de députés de l'opposition qui n'étaient pas acquis à la cause au départ, qui, pour beaucoup de millions dans les comptes, ont décidé de prendre position vis-à-vis de Blaise Compaoré. Et le deuxième parti à l'Assemblée, qui était l'ADF-RDA, a décidé de soutenir le projet de modification de l'article 37. Ce qui confortait Blaise Compaoré dans sa position de modifier la Constitution au niveau de l'Assemblée nationale. Et il décide le 21 octobre 2014, donc à 10 jours de l'insurrection populaire, qui est en train d'être préparée, de modifier l'article 37 par l'Assemblée. Et là, nous nous disons que le moment est venu pour nous d'écrire l'histoire positive du Burkina Faso en faisant échec au projet de modification de l'article 37. Et à partir du 21 octobre, donc, nous organisons une conférence de presse avec un certain nombre d'acteurs de la société civile pour dire, à partir de cet instant précis, Blaise Compaoré, et je cite d'ailleurs le porte-parole Medcam, Blaise Compaoré vient de déclarer la guerre au peuple burkinabé et nous allons lui faire la guerre jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir au moment venu et au temps voulu par le peuple burkinabé. Et là, le 21 octobre déjà, les jeunes dans les quartiers rentrent en résistance et commencent à désobéir civilement, sans armes, pacifiquement, de manière non violente vis-à-vis des forces de l'ordre. Oui, ça, il faut préciser, parce que tu dis on va faire la guerre, mais c'est sans les armes. Hein. C'était un mot d'ordre de guerrier, mais c'est sans les armes. Attention, quand on dit faire la guerre à Blaise Compaoré, c'est vraiment lui empêcher par tous les moyens non violents, pacifiques, de pouvoir modifier cet article 37-là. Et pour nous, la seule chose qui pouvait nous empêcher, ou du moins qui pouvait nous permettre d'empêcher la modification de cet article 37-là, c'est la mobilisation populaire. Et nous avons entrepris, à partir du 21 octobre, des caravanes dans les marchés pour expliquer en langue nationale ce que c'est que la modification de l'article 37 et toutes les implications qu'il y a. Nous avons fait des caravanes dans les universités et dans les lycées et collèges pour dire à nos jeunes frères, dans les lycées et collèges, les lycéens, les collégiens et tout, si on modifie l'article 37 une deuxième fois, cette fois-ci, on aura assassiné le journaliste Norbert Zongo pour une deuxième fois et c'est un crime qui n'est pas pardonnable. Si on réussit à modifier l'article 37, c'est que nous avons échoué en tant que peuple burkinabé et Blaise Compaoré est un dieu pour nous. Et comme personne n'est un homme indispensable et donc non nécessaire, chacun joue sa partition, nous avons intérêt aujourd'hui à créer les conditions d'une alternance en maintenant l'article 37 en l'état. Et le rendez-vous que nous donnons à toute la jeunesse burkinabé, c'est de se mobiliser dans les quartiers, c'est de se mobiliser dans les yards, dans les marchés et autres pour ensemble prendre d'assaut l'Assemblée nationale le 30 octobre 2014. Et ça, c'était le mot d'ordre. Et ça a marché. En tout cas, Compaoré, on a bien compris, c'est un gros méchant. Même plus que gros méchant. Mais ce que je trouve dingue, c'est 27 années au pouvoir, quoi, sans problème. Ce que je comprends aussi, donc les jeunes en ont marre, et puis Compaoré, il s'en va. Ça y est, il quitte le pouvoir. Et là, on voit aussi un petit film, toi. Je t'ai un petit peu vu. T'es complètement dans l'émotion, t'es complètement bouleversé par ce qui se passe. Tu n'en reviens pas, tu remercies le peuple, les gens d'être là. C'était déjà énorme pour nous d'avoir réussi à réaliser ce rêve en griffe de voir tomber Compaoré. Mais c'était surtout un peu plus important pour nous de réaliser surtout cette volonté de rompre aussi avec la dictature, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique ou encore qu'elle soit, je dirais, des hommes, tout simplement. Parce que Compaoré, c'est déjà celui qui assassine un peu le leader de la révolution burkinabé, Thomas Noël Isidore Sankara, qui pour nous est l'un des leaders les plus charismatiques et en 4 ans qui a démontré qu'avec le peuple burkinabé, on peut faire 1000 pas dans le sens du changement, aussi bien qualitatif que du changement dans la prise de position vis-à-vis des autres peuples qui ont soif également de justice et de liberté. Et cette dignité qui a été incarnée par Sankara a été trop vite arrêtée par le clan Compaoré et par le soutien d'ailleurs d'un certain nombre de pays voisins, notamment Oufuette Boigny de la Côte d'Ivoire, Faure Yassimbe Eyadema du Togo, mais aussi, il faut le dire très clairement, la France qui a joué un rôle très négatif dans cet assassinat et qui naturellement doit aussi répondre de ses actes au moment venu. Oui, parce que cette histoire de Thomas Sankara, mais n'hésitez pas à poser vos questions aussi, hein, les amis. L'histoire de Thomas Sankara, elle n'est pas élucidée. Hein. Je veux dire, c'est carrément un meurtre. Et il y a plein de gens avec lui qui sont morts aussi. Tous ses associés, là, il en reste un survivant. Enfin, ça, c'est pas clair non plus. Comment, après, Compaoré vient s'installer. Et en plus, c'est pas un assassinat. On vient dire que c'est une mort naturelle. Enfin, c'est des histoires de dingue, quoi. Et puis, évidemment, alors après, avec la France, ça y est, tout revient dans l'ordre. Enfin, on comprend que c'est bon, c'est une marionnette, Compaoré, qui va refaire le pouvoir comme d'habitude, s'en mettre plein les poches et ça arrange bien plein de pays autour. Mais François, qu'est-ce que tu avais envie de dire ? Non, ce qui est, par rapport à Thomas Sankara, c'est intéressant. La dynamique que met les citoyens, c'est justement c'est de demander tout de suite de déclassifier les dossiers, c'est-à-dire que c'est des dossiers qui n'étaient pas rouverts au niveau judiciaire. Et c'est ça, de l'assassinat et de Norbert Zongo. Et donc ça, c'est vraiment une des revendications principales, c'est de rouvrir le dossier pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une revendication principale de les citoyens. Donc voilà, c'est pas une question, c'est une constatation. En tout cas, la force du mouvement est là, quoi. Ah oui, c'est une revendication principale du balai citoyen. Bien sûr. Nous nous sommes engagés sur le terrain, certes, de la démocratie, mais nous nous sommes engagés aussi sur le terrain de la vérité et de la justice, à tous les niveaux, aussi bien dans la gestion économique, dans la gestion politique, dans tous les crimes qui ont été commis et ainsi de suite. Et parmi ces crimes-là, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a eu le 15 octobre 87 où Sankara a été assassiné, mais il y a 12 compagnons avec lui qui ont été également assassinés. Il y a eu le carnage du 27 octobre 87 à Kudougou, où parce que des soldats sont rentrés en résistance vis-à-vis du pouvoir de Blaise Compaoré, naturellement, ils ont été simplement zigouillés, comme on le dit chez nous. Il y a eu après d'autres crimes, l'étudiant d'Abo Boukari en 7e année de médecine qui a été assassiné sur le campus parce qu'il revendiquait de meilleures conditions de vie à l'université. Et à l'époque, sous Compaoré, sous le Front populaire, naturellement, aucune revendication n'était possible. Il y a eu le journaliste Norbert Zongo qui a été également assassiné. Donc pour tous ces crimes-là, nous souhaitions à l'époque qu'en dégageant Compaoré, nous arrivions à remettre au goût du jour ces dossiers pour qu'il y ait vérité et justice. Mais en même temps, nous ne sommes pas dupes. Sous la transition, d'ailleurs après l'insurrection populaire, nous avons fait pression comme nous avons pu pour que ces dossiers-là soient remis au goût du jour. Et aujourd'hui, naturellement, au niveau du Burkina Faso, les juges d'instruction sont en train d'auditionner un certain nombre de personnes qui peuvent témoigner sur ce qui s'est passé le 15 octobre, sur ce qui s'est passé le 13 décembre, sur ce qui s'est passé dans toute l'histoire du Burkina Faso depuis cet assassinat crapuleux de 87. L'autre chose qui est certainement important et peut-être qu'il faut redire, c'est que pour nous, Sankara, c'était un modèle. Pour nous, Sankara, c'était un héros parce que Sankara a réussi à porter aussi, à un moment donné, l'espoir de toute une jeunesse burkinabé, mais une jeunesse toute africaine. Et donc, cette revendication-là, elle apparaît pour nous comme une revendication principale. Et d'ailleurs, nous, au niveau du balai citoyen, nous disons que Sankara est un modèle dans le sens où c'est le cibale suprême. Et le cibale, c'est le citoyen balayeur. Et pour nous, ce modèle-là, nous pouvons nous en inspirer avec tous les aspects qui sont les aspects positifs comme les aspects négatifs. Qu'est-ce qui... Bon, Compaoré, il tombe, donc il s'en va. On est en 2014, ça y est, les jeunes ont confiance en eux, ils disent qu'ils ont... Ça y est, on se met tous ensemble, on est plus forts et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe après, alors? Où ça en est maintenant, aujourd'hui, le Burkina B, le Burkina pour toutes ces questions politiques? Qui est au pouvoir maintenant? Comment ça se passe? Et comment ça se fait qu'ils sont là? Celui qui est au pouvoir actuellement, c'est Rokma Christian Kabore, le président Rokma Christian Kabore. Il a été pendant longtemps membre du gouvernement Compaoré. Ok, laisse tomber alors, j'ai compris. J'ai compris comment ça se passe alors maintenant au Burkina. C'est bon. Il y a des explications quand même à donner. Il a été membre du pouvoir Compaoré pendant un bon nombre d'années quand même. Il a été premier ministre même de Compaoré. Et en 2014, du moins en 2013, il fait partie de ceux qui mènent la fronde au sein du parti politique du CDP pour dire qu'il faut éviter ou du moins il faut arrêter la patrimonialisation du pouvoir. Et donc, avec trois autres leaders, Salif Diallo et Simon Compaoré, ils décident à eux trois de quitter le parti au pouvoir et de rejoindre les masses populaires dans l'opposition contre Compaoré, notamment sur la question de la modification de l'article 37. Donc, ils rejoignent les masses populaires dans les rues pour contester le pouvoir de Compaoré. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue le fil de notre histoire. Nous disons très ouvertement que tous les candidats qui sont présentés aux élections présidentielles de fin 2015 ont joué leur rôle, ont joué leur partition et le peuple a choisi. Je vous dis et je vous le répète, ça aurait été Zinaba Rasman, aucun membre qui ait côtoyé Blaise Compaoré ne serait revenu au pouvoir. Mais la vérité des unes, c'est la vérité du peuple. Nous avons essayé de faire un travail de mobilisation et de remobilisation des masses populaires pour qu'elles entendent un discours à deux niveaux. Premier discours, c'est éviter d'aller voter des sacs de riz, des gadgets, plutôt que d'aller voter des programmes politiques. Et ça, ce travail-là, pendant les campagnes électorales, nous avons incité les populations à aller voter des programmes politiques plutôt que d'aller voter des gadgets comme on avait l'habitude de le voir sous Compaoré. Des individus, des cadeaux, quoi. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, sous Compaoré, le clientélisme politique était tellement énorme que pour un sac de riz qui coûte en gros 15 euros, 10 000 francs, on pouvait aller voter un tel candidat ou un tel autre. Deuxième aspect sous Compaoré, c'est que sur la base d'un t-shirt que quelqu'un aurait reçu, sur la base simplement de l'appartenance ethnique, on pouvait aller voter un tel individu. Et nous avons voulu quand même, avec ces élections de 2015, créer une nouvelle dynamique qui se veut plus démocratique, où les individus, ou du moins où le peuple, où les citoyens font le choix des programmes politiques proposés plutôt que le choix des gadgets électoraux. Une forme pour nous de rompre avec le clientélisme politique. Et cette campagne-là, nous l'avons faite. Le deuxième aspect de la campagne, c'était déjà d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées. Ça a été depuis 60 ans au Burkina Faso, ça a été la première, je dirais, élection à être la plus ouverte possible et la plus crédible possible. Au soir de l'élection, le candidat de l'opposition qui venait en deuxième position par rapport à la publication des chiffres a appelé et s'est rendu au QG du parti vainqueur pour aller féliciter le candidat. Et pour nous, il n'y avait pas plus belle leçon de démocratie. Mais en même temps, ça ne règle pas les problèmes du Burkina Faso. En même temps, ça ne nous permet pas de dire que le Burkina Faso a quitté le contexte d'un pays qui souffre. Ça ne dit pas que la souffrance de nos populations et de nos masses populaires a pour autant cessé. Le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir, au bout de 9 mois d'observation, ne sont pas à la hauteur de la tâche qui leur est confiée. Parce qu'il faut le dire, les aspirations fortes de notre peuple aujourd'hui ne sont pas comblées par le nouveau pouvoir. Et les remobilisations reprennent de plus belle. Sur la question sécuritaire, sur la question même de la gestion des dossiers en justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains individus qui n'ont pas intérêt à ce que toute la vérité soit dite et soit faite sur l'assassinat de Sankara, sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, mais même sur le détournement de fonds, sur la mauvaise gestion du clan Compaoré. Parce qu'ils sont aussi, à la limite, complices de cette gestion, à la limite, très négative du clan Compaoré. Donc, le travail est à un autre niveau aujourd'hui, de remobilisation des troupes, pour dire réellement aux camarades, cibales comme non-cibales, que nous avons gagné une petite victoire, mais les enjeux, l'espoir que nous avons fondé depuis le départ n'a pas encore abouti et il faudra se remobiliser pour les combats à venir. C'est bien, tu es positif. Hein? Bien sûr. Bien sûr, on n'a pas, aujourd'hui, on n'a aucune raison de ne pas être positif. Et surtout, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a eu certes le cas burkinabé, mais en même temps, le Burkina Faso a été, après le mouvement Yanama du Sénégal, le balai citoyen a inspiré d'autres jeunes en Afrique. Pour rappel, le Burkina Faso était l'un des premiers pays à se lancer dans le processus de modification constitutionnelle. Et quand nous avons réussi à faire échec à 27 ans de dictature de Compaoré, le Bénin à côté a entendu le message. Et le président Yayi Boni a dit à l'époque qu'il ne s'engagerait pas sur une voie de modification constitutionnelle. Plus loin, il y a des pays où ça a été plus difficile, au Burundi par exemple, où Nkurunziza, après une dizaine d'années passées au pouvoir, a rebelloté encore pour un nouveau mandat. Il y a des pays où des mobilisations ont repris et ont commencé réellement au Congo, Congo-Kinshasa, où Kabila, après deux mandats présidentiels, veut encore rebelloter après le 19 décembre prochain. Et donc, pour nous, aujourd'hui, cette jeunesse burkinabé-là inspire d'autres jeunes, mais cette jeunesse burkinabé-là est au contact de toute la jeunesse africaine pour partager des stratégies, pour développer des liens, pour, dans une convergence de lutte pour la démocratie, mais pour la bonne gouvernance. Dans une convergence de lutte également pour un panafricanisme affirmé et surtout pour une formation politique réelle des jeunes pour qu'eux aussi, demain, puissent jouer un rôle important au-delà de la veille citoyenne. Non, mais je trouve ça intéressant parce qu'on aurait pu faire la comparaison avec la révolution tunisienne, par exemple, à un moment donné. Mais je pense que les citoyens ont une vision beaucoup plus longue, enfin en tout cas, et plus large, de connecter différents mouvements en Afrique, ce qu'on n'a pas vraiment eu la Tunisie, en fait. Enfin, on l'a pas vraiment constaté, quoi. Et donc, c'est pour moi, c'est ça le côté vraiment positif, c'est que les citoyens Togo, il y a d'autres mouvements en fait qui s'établissent un peu partout dans les, et c'était un exemple comme vient de le dire Zinaba pour d'autres pays, quoi. Alors Laure, ben voilà, tu fais partie aussi de cette rencontre. C'est pas Laure, c'est Élise, rien à voir. Je suis la spécialiste d'inventer des prénoms. Ça va, Zinaba? Par contre, Zinaba, je sais le dire, tu vois, ça c'est un truc. C'est très simple. C'est Lise ou Élise? Élise. Élise. Ouais. Donc Élise fait partie aussi avec François de cette histoire de caravane. Tu te présentes en quelques mots, tu poses ta question. Oui, je suis Élise Pirsoul, je suis journaliste et j'étais juste après l'insurrection au Burkina Faso, notamment avec François. Donc en début 2015, et j'ai eu la chance d'interviewer Zinaba et de rencontrer différents membres du Ballet Citoyen. Moi, j'étais assez épatée de ce qui s'est passé là-bas. Ça m'a donné un espoir extraordinaire pour l'humanité, je vais dire. J'ai beaucoup aimé ma conversation aussi avec Zinaba, parce que je trouvais ça construit, argumenté. J'ai continué à garder des contacts et à essayer de promouvoir en fait ce qui s'était passé, de suivre aussi ce qui se passe. Et alors, bon, moi justement, je t'ai rencontré Zinaba il y a presque 2 ans. Et donc là, il y avait un enthousiasme assez formidable. On était en pleine euphorie post-insurrectionnelle. Le peuple avait découvert sa puissance. Il y avait vraiment ça. Et je sais que maintenant, c'est plus dur. Et c'est quelque chose qui se passe souvent après les insurrections. Il y a des moments très durs. Les caisses sont vides. Il faut tout changer. On se retrouve, on pensait avoir tout changé, on se retrouve avec la même clique de salopards qu'avant, et on pensait que tout allait changer. Donc je sais que les temps sont durs. On a faim en Burkina, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, il faut attendre. Le peuple est fatigué, il en a marre, il espérait d'autres choses. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Moi, je ne suis plus retournée depuis 2 ans. Et voilà, j'aurais voulu avoir ta position là-dessus. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi si on veut faire... Si vous voulez donner un conseil à peut-être à d'autres pays, parce que c'est très bien les insurrections, mais si après tout retombe, c'est un peu du gâchis, même si je sais qu'il faut, les choses ne se font pas tout de suite, et c'est ça le problème, il faut de la patience. Mais il faut que le peuple l'ait, la patience. S'il ne l'a pas, ça va pas fonctionner. Voilà, moi je voulais avoir ta position là-dessus, parce que je sais que c'est un point très compliqué. Et on voit je continue encore un tout petit peu, les printemps arabes aussi, il y aurait des leçons à prendre de ça. Ça a été un mouvement extraordinaire qui a donné beaucoup de courage, qui a déclenché des mouvements de soulèvement dans d'autres pays. Mais voilà, on voit le résultat aujourd'hui, il n'est pas fameux et c'est tellement dommage. Alors quoi ? Pourquoi ça se passe comme ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Qu'est-ce qui se passe au Burkina ? Merci. Tu retiens, Zinaba ? Parce que moi, j'ai aussi une question, mais qui va un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que, ben, pour moi, vraiment, l'image, c'est Thomas Sankara, quoi. Le gars, il débarque, il s'amène. Moi, j'aime bien aussi comment il se tient, ce mec. Non, mais attends, t'as vu comme il est beau, quoi. Il est là, il est tout fier, il a rien, il roule en R5, le mec. Tu vois, il laisse tomber les grosses bagnoles, il gagne un salaire dérisoire, même sa femme dit qu'elle gagne plus que lui. Enfin, tu vois, le gars, il a vraiment décidé de changer le pouvoir, quoi. Mais ça, c'est à l'échelle même du monde, hein. C'est-à-dire qu'on arrête de penser que les gens qui sont au pouvoir veulent tous s'en mettre plein les poches, profiter des autres, etc. Thomas Sankara nous montre qu'il y a moyen de faire autre chose. Mais il est dans le concret. C'est-à-dire qu'il y a même une scène comme ça où il explique c'est les femmes qui font le marché, la bouffe. Et il installe une loi pour dire que les femmes sont interdites d'aller au marché. Pourquoi ? Comme ça, les gars, ben comme ça, les gars peuvent, sont obligés. Si c'est comme ça que c'est expliqué, les mecs, du coup, les femmes ne... Tu dis ? Comme ça, tout ça. Attends, je continue à expliquer, après tu me diras si... moi, ce que j'ai compris, c'est que... Elles vont au marché, tu sais, je peux t'assurer. Non, peut-être aujourd'hui, mais du temps de Thomas Sankara. T'étais là du temps de Thomas Sankara ? Non. Attends, moi je continue. Et donc l'idée, parce que c'est un documentaire je vois pas pourquoi on raconterait des conneries. L'idée, c'était de dire que comme c'est les femmes qui doivent tout gérer, eh ben il a installé une espèce de loi ou en tout cas une forme dans le concret. Moi c'est ça que j'aime bien. Il est dans le concret et il dit les marchés. Ben évidemment il y a des femmes qui tiennent leur stand de marché et compagnie, hein, mais c'est les gars qui vont devoir aller faire les courses. T'as moins bien cette idée, peut-être, François. Et du coup, ça amène cette idée que ben, le gars doit aussi s'intéresser à la cuisine et se mettre un peu à penser aussi aux choses du quotidien, quoi. Et il a ouvert aussi plein de portes aussi aux femmes. On voit des femmes policières ou en tout cas... Enfin voilà, c'est quand même cette idée d'ouverture à penser aussi à la femme. Bon, il n'y a pas que ces idées-là. Hein. Il y a aussi... Enfin, moi, ce que j'aime bien, je ne vais pas tout citer, mais c'est que Thomas Sankara, il est dans le concret, il est sur le terrain, il ne commence pas à faire des concepts, c'est très clair. Voilà. Allez-y, dites-moi que j'ai tort. Non, pas que vous avez tort sur toutes les lignes, mais il y a quand même des rectifications qui sont pour nous importantes quand même, pour retracer dans le contexte et dans l'histoire les actions qui ont été posées par le camarade président Thomas Sankara. La première chose à dire déjà, c'est que sous la Révolution, ce n'était pas les hommes qui allaient au marché, mais c'était plutôt à l'occasion du 8 mars que Sankara avait imposé aux hommes pour connaître les dures réalités des marchés et aussi pour s'accommoder des questions qui sont purement ménagères, domestiques, que ces hommes-là également puissent aller voir la dure réalité des marchés. Donc ce jour-là, les femmes étaient interdites de marcher. Elles étaient interdites ce jour du 8 mars. C'est juste un jour alors ? Non, mais attention. C'est fondamentalement nouveau chez nous. Culturellement, vous bousculez un ordre à la limite. Et donc, pour lui, il était essentiel que les hommes eux-mêmes puissent goûter à cette dure réalité de la cuisine où on se fait brûler, où on se fait couper, où on... pour cuire des repas pour l'ensemble de la famille. Mais ce que je voulais dire, c'est peut-être parce qu'il reste, genre un quart d'heure, mais ce que je voulais surtout dire, en fait, c'est que ben, Thomas Sankara, il est dans le concret, il est sur le terrain, c'est clair qu'il change complètement les choses, il veut vraiment les changer. Et en fait, ce que je voulais dire, et qui rejoint aussi François et la question d'Élise juste avant, c'est que le gars, à force de changer les choses, mais il se retrouve de plus en plus isolé aussi, même par rapport à la France, hein, où il y a des connexions qui doivent se faire. Et pour finir, le gars, tellement il y croit, il veut amener vraiment l'Africain à se prendre en main et à croire en lui, etc. Ça l'isole complètement, même au niveau stratégique, géopolitique, quoi. Ce qu'il faut replacer dans le contexte, c'est que Sankara s'isolait vis-à-vis de qui ? Il s'isolait vis-à-vis de tous ceux qui avaient intérêt à ce que les masses populaires soient toujours dans la pauvreté. Il s'isolait vis-à-vis de tous ceux qui avaient intérêt à ce que l'impérialisme continue à dicter sa loi. Est-ce qu'il s'isolait lui ou bien on l'isolait ? C'est-à-dire que ben, c'est un peu, tu sais, comme... regarde maintenant, après, Kampaoré, il a été au pouvoir. Et d'office, il avait de nouveau tous les avantages de la France parce qu'ils avaient leur petite marionnette, quoi, tu vois. Sankara a refusé d'être la marionnette de la France. Oui. Sankara a refusé d'être la marionnette des États-Unis. Ça crée des conflits, ça crée des problèmes autour. Mais naturellement, l'impérialisme n'a jamais accepté que un leader d'opinion, un leader politique puisse s'affranchir de lui. On l'a vu avec Salvador Allende, il a été assassiné et Pinochet a pris le pouvoir. On l'a vu avec Sankara, on l'a vu avec Sékou Touré, on l'a vu avec Kwame Nkrumah, on l'a vu avec Lumumba pour parler de la question belgo-congolaise et ainsi de suite. Donc l'impérialisme va toujours vous isoler si vous êtes du côté de votre peuple face à lui. L'impérialisme va toujours vous isoler si vous êtes du côté des masses populaires en train de faire des pas, aussi minimes, petits soient-ils, sans leur soutien qui contraint votre peuple à travailler selon leurs convenances. Bref, Sankara... Comment on fait alors, puisque comment on fait ? Naturellement, tout leader d'opinion, tout leader révolutionnaire, tout héros qui porte le discours des masses populaires, le discours de rupture, va être isolé par l'impérialisme. Mais maintenant, il faut qu'il ait la confiance de son peuple pour continuer le travail qu'il fait. Et pendant 4 ans, Sankara a décidé de faire un seul pas avec le peuple plutôt que de faire 1000 pas sans le peuple. Et aujourd'hui, quand vous regardez la classe des dirigeants, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe, naturellement, ils font 1000 pas sans leur peuple. Les peuples ne se reconnaissent plus dans les questions politiques. Les peuples ne se reconnaissent plus dans les directions qu'on leur donne. On a vu le TAFTA, on a vu le CETA. C'est autant de choses qui interpellent la jeunesse belge, qui interpelle la jeunesse burkinabé, qui interpelle la jeunesse congolaise, qui interpelle la jeunesse américaine, qui de plus en plus doit sortir du carcan selon lequel les hommes politiques qu'il y a aujourd'hui à la tête de nos institutions et à la tête de nos États sont des hommes politiques qui sont là pour le bien du peuple. Ils ne sont pas là pour le bien du peuple. Ils sont là pour se mettre plein les poches. Ils sont là pour se rencontrer toujours dans les salons feutrés. Ils sont toujours là pour trouver des stratégies pour toujours fourber le peuple, pour toujours créer la polémique au maximum sans s'attaquer aux problèmes sérieux des masses populaires. Et de plus en plus, nous le voyons avec l'austérité en Europe, de plus en plus, les questions sociales sont en train d'être détruites, ou du moins les acquis sociaux obtenus de haute lutte hier par les masses populaires en Europe sont en train d'être détruits par les politiques et par les institutions, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient américaines. Aujourd'hui encore, en Europe, de plus en plus, la question de la dette commence à refaire surface. Aujourd'hui encore, il y a des accords qui sont signés entre l'Europe et l'Amérique pour empoisonner au maximum les paysans qui développent leur petite agriculture, paysannerie et tout ce qui va avec. Sankara l'a compris déjà en 83, quand il a pris position fondamentalement contre tout ce qui aliène le peuple burkinabé. Naturellement, il était avec des camarades. La révolution a été conduite, elle a duré 4 ans. Mais ce qui est de fondamental que Sankara a réussi à faire, c'est à 3 niveaux. Première chose, c'est de commencer à dire au peuple burkinabé qu'il est capable de changer son destin. Il est capable de changer son destin. Deuxième chose, c'est l'exemplarité que Sankara a donnée à ce peuple-là. Sous la révolution, corrompre un individu au Burkina Faso était un crime. Raison pour laquelle ce pays-là s'appelait Burkina Faso, qui veut dire en langue nationale intégrité burkindi, Faso en djoula qui veut dire la terre, et burkinabé qui veut dire homme intègre. Déjà à l'époque, c'était un signal très fort. Mais le troisième aspect qui est important dans le combat de Sankara, c'est certes d'avoir permis au peuple de compter sur ses propres efforts, de compter sur ses propres ressources, de combattre la corruption et tout ce qui va avec. Mais Sankara avait une parole qui porte au-delà du peuple burkinabé. Il dit à l'ONU que je suis là, non pas au nom du Burkina Faso tout seul, mais au nom de tous les déshérités qui cherchent quelque vainement un instant ou un espace pour s'exprimer à la tribune de l'ONU et pour porter les questions qui constituent la trame tragique de notre monde actuel. Et il se positionne dans une forme d'internationalisme. C'est ça qui est important en fait chez Sankara. C'est ce qui donne aujourd'hui la valeur panafricaine du leader Sankara. C'est ce qui permet aujourd'hui de nous dire que Sankara n'était pas seulement le Burkinabé, Sankara n'était pas seulement l'Africain, mais Sankara c'était celui qui disait aussi à l'OUA que les masses populaires en Europe ne sont pas opposées aux masses populaires en Afrique. Nous avons un même combat. Ceux qui exploitent l'Europe, c'est les mêmes qui veulent exploiter l'Afrique. Donc nous avons des ennemis communs, il faut les combattre ensemble. Et cette convergence de lutte-là, qui aujourd'hui est récupérée par les mouvements comme les nôtres, pour dire que le Burkina Faso tout seul ne va pas s'en sortir, et je vais répondre à la question d'Élise, le Burkina Faso tout seul ne va pas s'en sortir s'il fait une insurrection populaire. Le Mali seul ne va pas s'en sortir s'il fait une insurrection populaire. Mais la coalition des forces, des jeunesses, à travers le Burkina, le Mali, le Niger, le Kenya, le Burundi, et ainsi de suite, et aussi en connexion avec d'autres qui sont en lutte en Belgique, en France, au Venezuela, à Cuba, et ainsi de suite, peut faire bouger plus de lignes que quand les lignes bougent individuellement. Mais ce que nous avons déjà réussi, c'est déjà d'arrêter la dictature Compaoré, mais le reste du travail reste encore énormissime, et c'est ce travail-là que nous allons continuer ensemble. On va terminer. Moi, j'avais juste encore une question, c'est Zinaba, qu'est-ce que tu fais à Bruxelles, en fait ? Je suis de passage à Bruxelles, d'abord pour rencontrer des camarades militants, mais en fait, mon voyage en Europe a commencé à La Haye, en Hollande. Je vais essayer. Pas en France, vous êtes d'accord qu'il y a aussi un La Haye en France ? La Haye, peut-être, non, du coup, ouais. Non, La Haye, c'est le. Je pense que c'est pour les. Moi, je croyais que c'était en. La Cour internationale des droits de l'homme ? Exactement. Voilà. La Cour internationale où il y a toutes les cours. En Europe, il y a les institutions européennes. En Hollande, dans cette ville particulièrement, il y a toutes les cours. Cour de justice, cour des droits humains et tout ce qui va avec. Mais je suis là aussi porteur d'un message au sein d'une coalition qui s'appelle le Collectif Citoyen pour l'Agroécologie. Une coalition dans laquelle le Ballet Citoyen est membre et des organisations paysannes. Parce que à La Haye, pendant cette période où j'y étais, il y avait un tribunal qui a été organisé contre la multinationale Monsanto. La multinationale Monsanto, c'est celle qui a pion sur rue depuis les années 80 maintenant, dans l'agriculture au niveau international. C'est quand même la première firme sémencière en griffe en termes de production de firmes et en termes de commercialisation de semences. Et elle intervient depuis maintenant les années 2003 au Burkina Faso dans le coton. Et elle a développé ce qu'on appelle le coton OGM. Lequel coton OGM, naturellement, a été annoncé à grand renfort de publicité que c'est un coton qui va être naturellement bon, qui va avoir une fibre intéressante et qui aura beaucoup plus de quantité et qui va fatiguer moins les paysans burkinabés. Après 10 ans d'expérimentation du coton et après la critique que nous avons apportée depuis le début de cette initiative cotonnière-là, naturellement, les résultats n'ont pas été à la hauteur des espoirs tant vantés médiatiquement. Et donc, les paysans burkinabés, les ONG qui travaillent dans l'agriculture au niveau du Burkina Faso et des mouvements citoyens comme le nôtre se sont mobilisés pour dire trop c'est trop, il faut arrêter la casse avec le coton OGM parce que ce coton OGM-là, un, détruit la qualité du coton conventionnel burkinabé, mais mieux, ce coton OGM continue de polluer l'environnement au Burkina Faso et naturellement la multinationale doit être tenue responsable pour cette pollution à grande échelle de l'environnement burkinabé. Et donc, c'est porteur de ce message-là que je me suis rendu en Hollande avec 6 autres camarades, des paysans, qui ont témoigné d'ailleurs au tribunal. Le tribunal, c'est un tribunal citoyen qui a été organisé par ces organisations-là, mais aussi par d'autres organisations de la société civile à travers le monde, la Via Campesina, Vandana Shiva était là, autant de personnalités comme ça, pour poser la question de l'écocide. L'écocide, pour nous, c'est un crime contre l'environnement. Et Monsanto a tellement fait de crimes contre l'environnement qu'il faudrait bien un jour que le droit international intègre cette valeur d'écocide-là et qu'à partir de ce droit international-là, nous, au niveau local, au niveau du Burkina Faso, nous puissions poser plainte contre Monsanto et que Monsanto paye des réparations aux paysans burkinabés qui ont été exploités, spoliés et dont l'environnement a été détruit depuis bon nombre d'années. Et on a eu l'occasion en tout cas de témoigner en tant que Burkinabé de ce que nous vivons au niveau local et des résistances qui s'organisent de plus en plus contre les OGM. Et aujourd'hui, on peut déjà se féliciter d'une petite victoire, c'est que nous avons réussi à faire adopter par le gouvernement en Conseil des ministres la réduction des superficies du coton OGM au profit du coton conventionnel. Et à une semaine de mon départ pour le tribunal, naturellement, nous avons appris par des sources non encore confirmées que Monsanto s'apprêtait à quitter le Burkina Faso. Mais ce n'est qu'une partie du combat et ce n'est qu'une petite victoire au vu de toutes les victoires que nous voulons engranger pour la souveraineté alimentaire, pour le développement de l'agroécologie au Burkina Faso et surtout pour dire que les premiers responsables de l'agriculture, ou du moins les premiers vecteurs d'une agriculture saine, ce sont nos paysans et c'est à travers des techniques culturelles, locales et endogènes que nous pourrons réussir ces combats-là. Bah moi, ça me fait super plaisir d'entendre ça. Zinaba, c'est un peu la voix de l'Afrique, là, hein, une des voix d'Afrique que j'entends, toute jeune, toute prête à avancer, on continue. Ça fait plaisir. Toujours. Nous, on dit chez nous, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Et Sankara le disait d'ailleurs, c'est un cycliste qui est sur une pente raide. Il y a des précipices à gauche, il y a des précipices à droite. Que le peuple burkinabé se sente lui-même, il faut qu'il continue son combat. Pour que le peuple africain se sente lui-même, il faut qu'il continue son combat. Pour que l'humanité reste telle que nous la souhaitons. Cette humanité de fraternité et non cette humanité marchandisée, commercialisée, commercialisante, il nous faut nous-mêmes établir des ponts et continuer le combat à toutes les échelles. En Belgique, au Burkina, un peu partout. Et j'encourage la jeunesse belge, naturellement les étudiants qui vont écouter ce message-là, à véritablement comprendre qu'il y a nécessité aujourd'hui, au-delà du folklore, au-delà de ce qu'on a déjà, au-delà des acquis, qu'il y a des combats à mener. Et c'est en convergence de lutte avec d'autres personnes qu'on pourra mieux comprendre la situation en Belgique et surtout créer des ponts pour pouvoir orienter nos combats pour d'autres acquis encore. Parce que malheur à celui qui n'a pas acquis d'autres acquis que ceux d'avant lui ont acquis. Pour nous aujourd'hui, il y a 7 des acquis, mais ces acquis-là sont infiniment petits par rapport à tout ce que nous devons acquérir encore. Et nous allons continuer, nous allons jouer notre partition, jeunes nous sommes. Nous allons peut-être décider demain, nous allons prendre une balle dans la tête demain aussi, parce que nous nous attaquons à des gens qui n'ont pas intérêt à ce que nous continuions. Mais toujours est-il que là où nous allons laisser le flambeau, d'autres personnes la récupéreront pour la continuer. Bah non, c'est très beau. Enfin, en tout cas, le message est clair. Je pense qu'ici, on doit aussi se mobiliser et en solidarité complète avec Zinaba, le Ballet Citoyen et tous les Burkinabés. Je continue à croire que c'est ce qui s'est passé au Burkina, ce qui se passe encore, c'est quelque chose dont on doit prendre leçon. Et nous, les jeunes, ou nous, les personnes qui ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Et il faut aussi pouvoir tirer les leçons. Pour pas répéter les erreurs, parce que c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de forces en opposition. Et donc, il faut aussi réfléchir ensemble, je pense, bien, pour voir ce qu'on peut faire pour se programmer un avenir meilleur. Voilà. Allez, fini. Merci à tout le monde, en tout cas.